Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième émission enregistrée en confinement, pour moi, pour mon invité du jour, pour Nicolas Berger aussi. Seuls Swad Boukorsa et Jean-Frédéric Ski assurent, grâce au centre de distribution des modulations de Radio France, la liaison technique de cette émission se trouve dans la Maison Ronde. Merci à ces gardiens du temple qui nous permettent de continuer à vous parler. Les philosophes et la maladie, c'est le thème de cette semaine. Alors après Montaigne et André Comte-Sponville hier, aujourd'hui une question, la maladie est-elle le contraire de la santé ? Pour y répondre, les meilleurs sont avec nous ce matin, Claire Marin, Albert Camus, Georges Perec et Georges Canguilhem, qui en 1943 affirmaient ceci, la santé, c'est le luxe de tomber malade et de pouvoir s'en relever. La santé est précisément, et principalement chez l'homme, une certaine latitude, un certain jeu des normes de la vie et du comportement. Ce qui la caractérise, c'est la capacité de tolérer des variations des normes, auxquelles seule la stabilité, apparemment garantie et en fait toujours nécessairement précaire, des situations et du milieu, confère une valeur trompeuse de « normal définitif ». L'homme n'est vraiment sain que lorsqu'il est capable de plusieurs normes, lorsqu'il est plus que normal. La mesure de la santé, c'est une certaine capacité à surmonter des crises organiques pour instaurer un nouvel ordre physiologique différent de l'ancien. Sans intention de plaisanterie, la santé, c'est le luxe de pouvoir tomber malade et de s'en relever. Toute maladie est au contraire la réduction du pouvoir d'en surmonter d'autres. Good morning, my darling, I'm telling you this to let you know that I'm sorry you're sick. The tears of sorrow won't do you no good. I'd be your doctor if only I could. What do you want from the liquor store? Something sour or something sweet? I'll buy you all that your belly can hold. You can be sure you won't suffer no more. I swim in the ocean of the deepest canal to get to you, darling, just to make you well. There's no place on earth I would hasten to go to cool the fever, this I want you to know. What do you want from the liquor store? Something sour or something sweet? I'll buy you all that your belly can hold. You can be sure you won't suffer. Bonjour Claire Marin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin depuis chez vous. Est-ce que vous allez bien ? Je vais bien, merci beaucoup. La question qu'on pose d'habitude et encore plus en ce moment. Je suis ravie en tout cas de vous savoir avec nous le temps de cette émission. Le texte de Canguilhem, du philosophe Canguilhem qu'on a entendu, écrit alors d'abord dans les années 40 et puis ensuite repris au début des années 60, le normal et le pathologique. C'est un texte incroyable qui affirme donc que la santé, c'est pas forcément le contraire de la maladie, c'est le luxe de tomber malade et de pouvoir s'en relever. Ça veut dire que santé et maladie seraient peut-être deux faces d'une seule et même réalité ? Exactement. On a vraiment ce lien entre la santé comme un certain jeu, une latitude, dit Canguilhem, la capacité à prendre des risques. Donc, la possibilité du corps de faire des écarts par rapport à sa norme habituelle. Et la maladie, elle est une forme de rétrécissement. On n'a plus cette latitude, on n'a plus cette capacité à faire des excès d'une certaine manière. Donc, elle est une forme de vie, une modalité de la vie que Canguilhem caractérise parfois de rétréci. Mais maladie et santé sont des modalités du vivant. Et il dit bien, c'est le luxe de pouvoir tomber malade et de s'en relever, ça ne veut pas dire de guérir. S'en relever, ça veut dire arriver à vivre avec la maladie sans que celle-ci ne prenne le dessus. Alors effectivement, ce que Canguilhem montre bien, c'est que après chaque maladie, on n'a jamais de retour à l'état antérieur. On a plus vraisemblablement la mise en place par le corps de nouvelles normes, au sens où il a été modifié par le fait de traverser la maladie. Et donc cette espèce de représentation mythologique qu'on peut avoir comme quoi on reviendrait au point de départ, comme si le corps n'avait pas été atteint, Canguilhem montre bien que c'est une illusion de notre représentation de la maladie. Le corps reste marqué par cette épreuve-là et c'est ça sa force aussi, il va inscrire de nouvelles normes ou adopter de nouvelles normes qui seront la trace de cette expérience-là de la maladie. Donc tant que je suis en bonne santé, j'ai effectivement ce luxe de pouvoir tomber malade. Si on prend un exemple très simple, si je suis en bonne santé, je n'ai pas peur de la grippe comme j'en aurais peur pour mon nourrisson qui a une santé fragile ou pour mon grand-père qui est aussi rendu vulnérable par d'autres pathologies qui sont les siennes. Donc, la santé, c'est cette capacité d'un écart, alors que dans la maladie, je n'ai plus ce jeu. Je suis, comme dit Kang-Yem ailleurs, sans filet de sécurité. Donc la maladie, c'est ce qui me ramène à une forme de précarité parce qu'elle bouscule un certain équilibre. Le terme est présent dans le texte de Kang-Yem, celui d'équilibre et celui de normes. Et j'aimerais qu'on s'y arrête encore un peu parce que c'est important pour comprendre peut-être aussi la peur qui s'empare de nous en ce moment. On a l'impression d'être plus que jamais confronté à la maladie alors qu'en fait nous le sommes en permanence. Kang-Yem dit « le malade n'est pas un anormal ». En fait, parce que l'anormalité dont il souffre, il vit quand même. C'est son organisme qui négocie un nouvel équilibre, un nouveau compromis précaire de normalité. Pourquoi a-t-il besoin du terme de normalité, de normal ? Alors, il en a besoin parce que ce qui caractérise le vivant, c'est justement d'avoir, on pourrait presque dire, une ligne directrice, des éléments prédéfinis de ce qui va être les conditions de son maintien en vie. Donc ce sont ces normes-là, mais qui sont des normes qui peuvent changer tout au cours de l'existence, en fonction aussi de l'environnement. Le propre du vivant, c'est aussi qu'il a cette capacité de s'adapter au milieu extérieur. Et l'autre terme qui est important, que vous avez évoqué juste avant, c'est le terme de précarité. Et en fait, ce que dit bien Kang-Yem, c'est que la précarité de notre organisme, elle n'est pas liée à la maladie, elle est liée au fait d'être vivant. Et il le dit à plusieurs reprises dans différents textes, ce qui caractérise un organisme vivant, c'est sa précarité. Et cette précarité, elle se manifeste ou elle devient visible dans la maladie. Il dit aussi que la maladie est une expérience ou un élément normal dans la vie d'un être vivant. Il dit que être malade, c'est normal. Alors évidemment, ça remet en question nos représentations. Pour nous, la maladie, c'est une forme d'anormalité. On la vit comme telle, on peut la vivre comme un drame, etc. Mais dans l'ordre du vivant, dans la logique biologique, la maladie, c'est une norme. Et il dit aussi, c'est le risque du vivant. Tout vivant, animal, végétal, humain, de par le fait qu'il est vivant, est amené à connaître le risque que constitue la maladie. Et il dit aussi que c'est une rançon à payer pour les vivants. Ça fait partie même de notre capacité à jouir du fait d'être vivant que d'être malade. Donc ça paraît très contradictoire pour nous, antagoniste, mais il dit clairement que la maladie, c'est le risque qui est inhérent à la jouissance de la santé. Donc, elle s'inscrit dans le fait même d'être capable de jouir de cette norme particulière qu'est la santé. Mais ça veut dire qu'on peut être malade sans le savoir. Ça veut dire que le terme de maladie est une étiquette très large qui renvoie à une réalité qui est présente même lorsqu'on ne dit pas le nom. Il faut peut-être distinguer ce qu'on appelle la maladie d'une maladie déjà. Peut-être que toutes les maladies, toutes les maladies ne se ressemblent pas, de ce qu'on appelle des malades ou de ce qu'on appelle des mots, M-A-U-X. Il y a ici tout un lexique qu'il faut explorer pour affiner ce que nous sommes en train de dire. Oui, en fait, il faudrait parler des maladies au pluriel, dans des déclinaisons qui sont tout à fait différentes. Il y a les maladies, on pourrait dire sensibles ou sonores, puisque en fait, Kang-Yem reprend une expression de Leriche qui dit que la santé, c'est le silence des organes. Et donc, la maladie, ce serait le bruit, ce serait le corps qui deviendrait bruyant, désagréable, etc. Il y a des maladies qui sont bruyantes, c'est-à-dire je me sens malade, je ne suis pas bien, je ne peux pas faire ce que je fais d'habitude, j'ai du mal à manger, à me déplacer, à réfléchir, etc. Et puis, il y a évidemment des maladies silencieuses et qui ne sont parfois pas identifiés par le patient, mais qui, en tout cas maintenant, à notre époque, vont d'abord être identifiés dans des prises de sang avec des marqueurs qui sont trop élevés ou trop bas. Donc il y a aussi ces situations très étranges où on se découvre malade alors qu'on ne se sent pas malade. Et dans ces cas-là aussi, on va avoir un rapport très étrange parce que c'est la médecine ou le médecin qui va me désigner comme ce que je ne me sens pas être, comme un malade alors que je ne m'éprouve pas malade. Et avec cette situation particulière, on a l'impression que c'est le médecin qui me rend malade Et donc, on voit comment les progrès aussi médicaux nous amènent à modifier complètement les différentes formes d'expérimentation du fait d'être malade. Et puis, on peut être malade ponctuellement, on peut être malade de manière bénigne ou de manière dramatique, on peut être malade chronique, c'est-à-dire tout au long de sa vie, avec des successions de phases de rémission et de crise. Donc, il y a une variété de maladies et voilà, aujourd'hui, on se souvient, on redécouvre, on expérimente le fait qu'on peut être malade isolément ou qu'on peut être malade collectivement. C'est au fond la possibilité de la maladie qui est effrayante aujourd'hui, le confinement et ses aléas et ses paradoxes et sa difficulté bien souvent aussi, mais aussi de savoir qu'il y a ce virus qu'en plus par définition on ne peut pas voir, qui plane, qui rôde, on en fait un animal qui viendrait nous menacer, c'est en fait parce que ça nous ramène justement à notre précarité, c'est plus la possibilité d'être contaminé que la contagion elle-même qui provoque cette panique. Oui, pour la plupart d'entre nous qui sommes préservés, effectivement, c'est presque plus l'idée de la maladie, la possibilité de tomber malade que sa réalité. Après, pour les soignants, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire, là, on est au contact avec la réalité des formes parfois dramatiques de l'expression de la maladie. On est directement confronté à ce qu'elle fait subir au corps, à la difficulté de se remettre des formes les plus graves de la pathologie. Donc, pour certains d'entre nous qui travaillent au contact des malades, au contraire, la maladie est très concrète, très visible à travers ses symptômes, à travers les formes d'invalidité qu'elle engendre, les moments de crise, de détresse respiratoire. Donc, là encore, les manières de vivre, même si on est touché collectivement, l'expérimentation qu'on fait, que ce soit un rapport essentiellement imaginaire pour encore un certain nombre d'entre nous, heureusement, ou un rapport très très concret, presque trop dramatiquement concret, les manières de se rapporter à une même maladie, cette épidémie, là, on a un éventail très très large, en tout cas deux polarités, du plus abstrait, du plus imaginaire au plus concret et au plus tragique. Oui, parce que parler de la maladie, en général, ne signifie pas grand-chose, tout dépend de quel point de vue on se place, et vous avez raison, le point de vue du médecin est très différent de celui du patient. Ce que disait Canguilhem aussi, en insistant sur le vécu du patient. On peut dire beaucoup de choses de la maladie, la manière qu'a le malade ou le patient de vivre cette maladie lui est propre, et c'est peut-être une des tensions qu'on vit aujourd'hui. Le confinement est planétaire, c'est une pandémie, et pourtant chacun vit la maladie ou la possibilité de manière différente. Et je rebondis sur votre travail, Claire Marin, puisque vous avez travaillé sur la question de la maladie, et notamment vous employez cette expression à propos de la maladie, vous dites que c'est une catastrophe intime. C'est pas une catastrophe planétaire, ça peut l'être, aux conséquences économiques, sanitaires, morales, désastreuses, mais c'est aussi une catastrophe intime. Est-ce que ce terme-là s'applique aussi à ce que nous vivons ? Oui, parce que quoi qu'il arrive, on est seul dans la manière dont on expérimente la maladie, ça reste toujours un vécu très singulier, et ça, quand Guillaume le dit bien, c'est toujours un malade qui vit la maladie d'une manière très personnelle, très individuelle, et c'est toute la subtilité du travail du médecin que de réussir à comprendre comment justement le patient vit cette maladie. C'est une expérience existentielle et pas seulement un ensemble de symptômes, d'état du corps, et ça, Canguilhem le dit très bien. Et ce qui est intéressant dans la situation actuelle, c'est qu'un certain nombre de soins intéressants, alors ça a l'air d'être cynique de le dire comme ça, ça l'est pas du tout, mais un certain nombre de soignants sont eux-mêmes affectés par la pathologie, l'expérimentent, et heureusement pour la plupart d'entre eux s'en sortent. Et Canguilhem disait bien comment, d'une certaine manière, expérimenter quelque chose de proche de ce que le malade vit permet d'une certaine manière, de même s'il reste cette singularité réductible, mais permet de comprendre quelque chose de ce vécu, la manière dont il nous atteint, nous affaiblit, nous met dans une situation de dégradation physique, de détresse psychique, etc. Et là, on est dans une situation un peu inédite où un certain nombre de soignants sauront quelque chose peut-être d'un peu plus près que d'habitude du vécu du malade. Et il est possible que cette vulnérabilité expérimentée par le soignant change quelque chose dans la manière de soigner à l'avenir. De quelle manière ? Peut-être que d'avoir été, si on peut dire, des deux côtés de la maladie, c'est-à-dire d'avoir été soi-même menacé et de soigner les patients qui sont atteints, peut-être que ça transforme quelque chose dans l'appréhension du geste de soin. On verra, peut-être que je me fais une représentation qui est fausse, mais je crois que quand on est soi-même malade, on appréhende différemment la maladie de l'autre. Vous pensez qu'un médecin qui a été malade est un meilleur médecin ensuite ? S'il souffre du mal dont est atteint son patient, il est peut faire preuve plus d'empathie ou être plus performant ? Comment il faut le comprendre ? Alors, pas nécessairement. J'aurais un contre-exemple à ce que je viens de dire, qui est un texte de Patrick Autréot, qui était lui-même médecin et qui est tombé malade, et qui raconte comment, après avoir été soigné, il reprend l'exercice de la médecine et se trouve incapable de soigner des patients qui ont la même pathologie que celle dont il a été atteint, parce que l'écho est trop fort. L'identification, elle a un effet presque paralysant. Donc, ce n'est pas du tout un modèle systématique. Il ne faut pas que tous les médecins deviennent malades pour comprendre leurs patients. Mais je pense que dans certains cas, il y a quelque chose qui, dans cette expérience d'une vulnérabilité partagée, qui change peut-être la manière d'aborder le soin. Je vous ai invité à parler de cette expression de catastrophe intime. Si on est fidèle à Canguilhem, si on reste encore un instant sur la pensée de Canguilhem, et donc c'est-à-dire si l'on accepte que la maladie peut faire partie de la santé, si la santé est le luxe, comme il dit, de pouvoir se relever d'une maladie, alors est-ce encore une catastrophe ? Est-ce que ce n'est pas le terme de catastrophe qu'il faudrait revoir ici pour penser la maladie ? En fait, ce que Canguilhem distingue bien, c'est la perspective biologique et le vécu, on pourrait dire, existentiel. D'un point de vue biologique, c'est un phénomène normal du vivant, c'est le risque naturel du vivant de tomber malade. Ça n'empêche pas que de manière intime, je le vive comme un drame, comme une catastrophe, je l'appréhende comme une menace. Et Canguilhem, d'ailleurs, dans ses écrits sur la médecine, reprend les textes des lettres que Freud envoie à Lou Andréa Salomé, où Freud, qui est quand même a travaillé sur la question de la maladie une grande partie de sa vie, dit lui-même, à la fin de sa vie, « Je n'admets pas cette existence sous menace de congé. » Cette menace-là, elle lui est insupportable. Donc, on voit bien qu'il y a cet écart entre la ligne d'interprétation scientifique biologique et le vécu, qui est un vécu qui peut être effectivement de l'ordre de la catastrophe ou de la tragédie personnelle. Et Canguilhem, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il se place sur les deux lignes d'analyse. Il s'agit justement, quand on est médecin, de comprendre comment son patient vit la maladie. Pas seulement ce qui se passe biologiquement en lui, mais à l'aide de quel type de représentation mentale, imaginaire, il appréhende sa propre maladie, et qu'est-ce qui fait qu'elle sera vécue avec plus ou moins de sérénité en fonction justement du cadre dans lequel il se trouve. Et là, c'est intéressant aussi de voir aujourd'hui quel type de représentation chacun se fait de cette épidémie, en quoi ça change complètement son rapport au risque, et sa manière d'appréhender cette menace. Je vous propose qu'on écoute un autre texte, Claire Marin, pour continuer à en parler. Un texte d'Albert Camus, cette fois-ci, qui a été beaucoup cité, notamment au début de l'épidémie en Europe, en tout cas, et du confinement. Il s'agit de La Peste. Ouais. Alors, beaucoup cité, beaucoup acheté aussi, si j'en crois les statistiques. Alors, je ne sais pas s'il a été lu, si les achats ont été suivis par la lecture. Je le souhaiterais parce qu'en effet, les échos sont troublants et pas simplement parce que, disons qu'il est toujours amusant de voir que ce qu'on vit a eu un écho dans la littérature qui nous précède largement, mais aussi parce que dans le texte que vous allez entendre, la description que Camus propose à travers les mots du narrateur Rieux de la situation qu'ils sont en train de vivre peut sans doute nous aider à comprendre la manière que nous avons de réagir aujourd'hui à cette épidémie. Écoutez donc cet extrait de La Peste lu par Vincent Schmitt depuis chez lui. Les fléaux sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu'ils vous tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de pestes que de guerres, et pourtant pestes et guerres trouvent les gens toujours aussi dépourvus. Le docteur Rieu était dépourvu, comme l'étaient nos concitoyens, et c'est ainsi qu'il faut comprendre ses hésitations. C'est ainsi qu'il faut comprendre aussi qu'il fut partagé entre l'inquiétude et la confiance. Quand une guerre éclate, les gens disent « ça ne durera pas, c'est trop bête ». Et sans doute une guerre est certainement trop bête, mais cela ne l'empêche pas de durer. La bêtise insiste toujours. On s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours à soi. Nos concitoyens, à cet égard, étaient comme tout le monde. Ils pensaient à eux-mêmes. Autrement dit, ils étaient humanistes. Ils ne croyaient pas au fléau. Le fléau n'est pas à la mesure de l'homme. On se dit donc que le fléau est irréel. C'est un mauvais rêve qui va passer. Mais il ne passe pas toujours. Et de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes qui passent. Et les humanistes, en premier lieu, parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Nos concitoyens n'étaient pas plus coupables que d'autres. Ils oubliaient d'être modestes, voilà tout. Et ils pensaient que tout était encore possible pour eux, ce qui supposait que les fléaux étaient impossibles. Ils continuaient de faire des affaires, ils préparaient des voyages et ils avaient des opinions. Comment auraient-ils pensé à la peste qui supprime l'avenir, les déplacements et les discussions? Ils se croyaient libres. Et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les philosophes face à la maladie. C'est le thème de notre série cette semaine enregistrée depuis notre domicile, enfin depuis chez moi, depuis la demeure de notre invité chaque jour, aujourd'hui Claire Marin. Et vous venez d'écouter un texte d'Albert Camus donc, qui s'appelle « La peste ». La description est assez troublante, Claire Marin, notamment parce qu'il semble décrire exactement ce que nous vivions sans doute au tout début du confinement. Ça ne durera pas, c'est trop bête. Et dit-il, ils continuaient de faire des affaires, ils préparaient des voyages, ils avaient des opinions, ils se croyaient libres, alors que personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux. C'est comme si Camus pointait ici l'impossibilité quasiment constitutive, disons psychologique, oui, de l'être humain d'accepter que le fléau l'empêche véritablement d'être libre en réalité. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est ici dans une espèce d'irreprésentable. On est vraiment face à quelque chose dont la mesure est, plus exactement, la démesure est telle qu'on est impuissant à penser dans son énormité, si on peut dire, la réalité de ce phénomène. Il dit, ils pensaient à eux-mêmes, ils étaient humanistes. On peut entendre ici humaniste au sens où on est prisonnier d'une mesure qui est la mesure de l'échelle humaine. C'est presque un problème quand il le dit. Hein. Ils pensaient à eux-mêmes, ils étaient humanistes. Tout à fait. C'est ça, c'est qu'on est face à un fléau qui n'est pas à la mesure de l'homme, comme dit Camus, et l'homme continue à penser son existence à sa mesure. Et en ce sens, ici, on est face à un sentiment qu'on a pu éprouver tout au début de cette expérience aussi, qui était la difficulté à penser cet événement. Parce que précisément, il balaye l'ensemble de nos représentations. Camus dit « on croit difficilement au fléau ». Ici, croire renvoie bien aux représentations qui sont les nôtres, à l'ensemble de notre imaginaire collectif, au sein duquel, pour nous qui sommes quand même dans des pays assez privilégiés en termes de, comment dire, luxe sanitaire, eh bien, dans nos représentations, l'épidémie avait disparu. Elle était soit lointaine dans d'autres pays, on regardait ça avec un peu de mépris, assez fier de nos capacités de médecine très technologique, etc. Soit lointaine dans le passé, c'est la grippe espagnole, etc. Et là, on se rend compte que quelque chose qui avait disparu de notre représentation, la contingence dans sa démesure et sa menace vitale, réapparaît. Et Camus dit « Rieu est dépourvu » et les hommes en général sont dépourvus. Et ici, c'est être dépourvu à la fois parce que on est sans ressources, alors malheureusement on voit bien quoi on peut penser en ce moment, mais c'est aussi intellectuellement qu'on est dépourvu parce que on a perdu les éléments symboliques qu'on utilisait autrefois. c'est-à-dire l'épidémie était la colère de Dieu, où il y avait tout un tas de représentations symboliques, mythologiques, religieuses, qui donnaient un sens au phénomène. Et ici, on est dépourvu intellectuellement, et puis on est pris au dépourvu, littéralement, par cette situation. Et dans ces cas-là, quel est le réflexe? Rester dans l'habitude, c'est-à-dire... On pourrait presque parler de déni, on continue à faire comme si de rien n'était. Et c'est bien ce qui s'est passé. On a mis en place tout un tas de structures pour continuer à travailler comme avant, pour continuer à enseigner comme avant, alors avec plein de guillemets sur le comme avant. Mais ce qui était frappant dans les premiers jours, c'était qu'on faisait comme s'il n'y avait pas quelque chose d'extraordinaire qui était en train de se passer. Mmh. On continuait selon le rythme et l'allure habituelle de nos modes de vie. Et on n'a même pas pris de temps pour s'arrêter et vraiment dire. Alors, évidemment, il y avait des signes, hein, on parlait que de ça, la télévision, la radio, etc. Mais par ailleurs, il aurait fallu continuer à vivre comme avant. Et je crois que certains d'entre nous ont quand même expérimenté ce sentiment que c'était impossible. Il y a eu quelques jours, voire quelques semaines de pure paralysie, évidemment, d'angoisse, mais aussi... On était dépourvus parce que qu'est-ce qui avait encore un sens? Quelle activité avait encore un sens? Quelle réflexion? Tout semble dérisoire parce qu'on change justement de mesure. On change de repère, oui. On change de critères. Et beaucoup des choses qui constituaient nos occupations sociales et professionnelles peuvent apparaître complètement dérisoires. Moi, je me suis demandé si c'était vraiment absolument nécessaire de continuer à faire un certain nombre d'exercices que j'ai l'habitude de faire avec mes étudiants. Tout d'un coup, ça me semblait dérisoire de continuer à faire des plans de dissertation, par exemple. Et là, il y a quelque chose qu'on n'a pas vécu ou peut-être pas suffisamment et qui fait aussi que ça reste en partie impensé. C'est justement l'idée qu'on était en train de vivre un moment... De rupture, je ne sais pas comment le dire autrement, mais voilà, un moment qui rompt radicalement nos différentes habitudes d'être et qu'il faut reconnaître comme tel, je crois. Continuer à faire semblant comme on l'a fait, c'était une manière de nier cette menace et de répondre à ce sentiment d'être complètement dépourvu face à elle. Cette incapacité à penser ce qui nous arrive est d'autant plus présente, j'imagine, quand, comme vous, on est professeur de philosophie, vous l'avez dit dans... Comment ça a pu changer votre manière d'aborder les cours que vous devez continuer à dispenser à vos étudiants, mais aussi dans votre travail de philosophe. Vous parlez de rupture, justement. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui, alors maintenant peut-être qu'on a réussi à s'habituer un peu à cette nouveauté de la situation, pour le meilleur et pour le pire, mais est-ce que vous arrivez à dire aujourd'hui quel type de rupture nous sommes en train de vivre? On peut d'abord faire des constats très factuels sur le fait qu'il y a une rupture majeure qui est celle qui finalement nous pèse horriblement et on s'en rendait peut-être pas compte, c'est la rupture dans la vie sociale. On est en train de découvrir à quel point nos existences se faisaient au dehors, c'est-à-dire en dehors de l'espace domestique, à quel point notre vie a des extensions un peu partout et dans ces extensions qu'on est en train de découvrir comme vitales, il y a des lieux de sociabilité professionnelle, mais on voit comment la terrasse de café est devenue une espèce d'espace hautement désirable. Donc il y a toute cette sociabilité de la vie professionnelle, amicale, la vie de voisinage, etc. Donc la première rupture, c'est un peu ça, c'est comme si on était amputé de toutes ces extensions spatiales qui sont aussi définies finalement ou qu'on découvre comme étant notre espace au sein duquel on se déploie agréablement. Quand Guillaume parle d'une vie rétrécie, on est dedans, au sens déjà très spatial, et puis au sens psychique. Hein, le rétrécissement, c'est l'angoisse, c'est le sentiment d'étouffer dans sa petite maison, son petit appartement, etc. On a tous ces éléments. Ça, c'est évidemment la première rupture et peut-être la plus douloureuse. De rompre aussi, ça veut dire rompre avec les corps, avec le contact, avec la réalité... la présence vivante de l'autre à travers son incarnation, tout ce que la présence réelle dégage. Et là encore, on voit bien toutes les situations, évidemment, amicales, affectives, amoureuses, qui restent en suspens et horriblement frustrantes, mais aussi tous les types de relations professionnelles. Je reviens à ma situation, je vois à quel point l'enseignement à distance a quelque chose d'horriblement frustrant. Mais ce qui change aussi, il me semble, alors il y a la dimension spatiale, vous l'avez dit, on ne peut plus toucher les autres comme avant, on ne peut plus aller aux endroits où on voudrait aller comme avant. Mais il y a aussi un rapport au temps qui change, parce qu'on est aussi en train de comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui va sans doute se reproduire. Et ça, c'est une rupture majeure. C'est qu'on ne peut pas concevoir un avant et un après comme on le fait d'habitude. L'après, il va se faire en plusieurs temps et il aura une autre allure, en fait. On ne peut même pas encore l'imaginer. Nous ne sommes pas psychologiquement armés pour imaginer ce à quoi vont ressembler les prochains mois ou les prochaines années. Oui, alors même si on ne peut pas exagérer sur le parallèle que je proposerais, je crois qu'on expérimente ce que connaissent bien les malades. C'est-à-dire restriction de l'espace, des interactions sociales et un rapport au temps qui est toujours sur le mode du conditionnel où la projection devient très compliquée. Si on ose se projeter, on se projettera toujours sur différentes lignes, des plus pessimistes aux plus optimistes. Il n'y a plus cette espèce d'élan naturel, confiant dans un futur où on déroulerait les choses selon notre projet et nos envies. Il y a toujours dans l'esprit du malade l'idée que, en tout cas par exemple dans l'expérience du malade chronique, ça c'est clair, la crise peut revenir. Ouais. Donc le rapport au temps, c'est toujours si jamais ou si tout va bien. Donc toujours un conditionnel, une espèce de très grande prudence dans le rapport à l'avenir. Et ici, on est dans quelque chose de ce type, avec la possibilité, comme vous l'avez rappelé, d'une cyclicité de ces virus, d'un retour de moments d'épidémie. Donc ça aussi, ça va être quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire intégrer le fait que le rythme de nos vies, de nos activités, de nos déplacements, soit désormais dicté par une règle extérieure. Et ça, c'est quelque chose qui va tous nous toucher, là encore. C'est, pour le coup, il n'y aura pas de distinction entre... Enfin, s'il y aura des distinctions selon la fragilité des uns et des autres, bien sûr, mais il y a cette idée tout à fait neuve et encore un peu difficile à intégrer, que ça ne sera plus, et là on retrouve tout à fait le texte de Camus, ce ne seront plus nous qui pourrons dire ce qui est possible pour nous. On va avoir une restriction des possibles qui viendra d'une nouvelle instance sur laquelle on n'a pas de prise. Encore un mot sur le texte de Camus, il distingue le fléau de la guerre. Il y a eu dans le monde autant de peste que de guerre, et pourtant peste et guerre trouvent les gens toujours aussi dépourvus. Le premier discours du président de la République, il y a quelques semaines, qui a pris la parole pour commenter ce qui est en train de se passer, dans ce discours, il affirme à plusieurs reprises que nous sommes en guerre. Est-ce qu'il faut maintenir la distinction peste, fléau, épidémie d'un côté et guerre de l'autre, ou est-ce qu'il y a une similitude entre les deux ? Alors, il y a une similitude dans la menace qui peut peser sur une population qui n'a pas décidé de la guerre, comme évidemment elle ne décide pas de l'épidémie. Donc, dans la dimension collective, dans la menace de mort, il y a effectivement des éléments qui sont parallèles. Après, dans la guerre, il y a quand même des responsables, des intentions, un ennemi, une volonté de nuire, tout ce qui n'existe évidemment pas du tout dans la maladie. Et puis, j'avais proposé l'idée que on n'était pas en guerre, mais dans une médecine de guerre, et j'ai lu récemment un article, j'ai oublié l'auteur, mais qui disait quelque chose de très juste, qu'on aurait pu ne pas être dans une médecine de guerre, qu'on était plus exactement dans une médecine de pénurie. Et ça rejoint exactement ce que Camus dit, au sens où on était dépourvu. Et que l'un des enjeux, ce sera précisément, puisqu'on risque de tomber dans une forme de récurrence de ces moments épidémiques, de faire en sorte d'être le moins dépourvu possible. Évidemment, on est toujours surpris par le fait qu'une épidémie s'arrête ou au contraire se répandent massivement. Et dans le passé, on a vu des responsables politiques qui avaient été moqués pour avoir été trop prudents, d'une certaine manière. Aujourd'hui, on pourrait dire que peut-être ils n'ont pas été assez. C'est assez compliqué, cette anticipation des ressources nécessaires. Mais en tout cas, c'est clairement vers cette logique-là qu'il faut aller pour éviter cette médecine de pénurie dont on connaît tous les effets catastrophiques sur le tri des patients. Si on essaye de maintenir le parallèle entre le malade et peut-être le confiné, en tout cas celui qui vit à l'époque de cette épidémie et qui ne peut pas vivre normalement dans un futur qui est toujours à risque, on en arrive à un troisième texte, Claire Marin, qui est « Un homme qui dort » de Georges Perec, écrit en 1967, ouais. Qui est un texte écrit à la seconde personne du singulier et qui décrit cet homme qui reste dans sa chambre, dans son tout petit appartement, et qui décrit chaque chose qui lui arrive ou qui ne lui arrive pas. Écoutez cette description parce que elle proposera un écho assez troublant avec ce que nous sommes en train de vivre. Au fil des heures, des jours, des semaines, des saisons, tu te déprends de tout, tu te détaches de tout. Tu découvres avec presque parfois une sorte d'ivresse que tu es libre, que rien ne te pèse, ne te plaît, ni te déplaît. Tu trouves, dans cette vie sans usure et sans autre frémissement que ces instants suspendus que te procurent les cartes ou certains bruits, certains spectacles que tu te donnes, un bonheur presque parfait, fascinant, parfois gonflé d'émotions nouvelles. Tu connais un repos total. Tu es à chaque instant épargné, protégé. Tu vis dans une bienheureuse parenthèse, dans un vide plein de promesses dont tu n'attends rien. Tu es invisible, limpide, transparent. Tu n'existes plus. Suite des heures, suite des jours, le passage des saisons, l'écoulement du temps, tu survis. Sans gaieté et sans tristesse, sans avenir et sans passé, comme ça, simplement, évidemment, comme une goutte d'eau qui perle au robinet d'un palier, comme 6 chaussettes trempées dans une bassine de matière plastique rose, comme une mouche ou comme une huître, comme une vache, comme un escargot, comme un enfant ou comme un vieillard, comme un rat. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. L'accumulation des images pour essayer de décrire au plus près ce qu'il est en train de vivre a quelque chose de saisissant, hein, Claire Marin, pour finir avec cette image du rat qui vient atténuer les perspectives de bonheur qui sont pourtant explorées aussi. Hein. Tout n'est pas, quand on est seul dans une chambre, alors là, lui, il est seul, tout n'est pas forcément noir, il y a juste une forme de neutralité progressive qui vient écraser et les moments de bonheur et les moments de détresse pour arriver à cette espèce de ton grisâtre qui est glaçant. On dirait que c'est l'homme lui-même qui s'apprête à disparaître. Assez impressionnant. On glisse du bonheur, de la déprise, de la suspension. On a quelque chose comme une forme d'ivresse, des émotions au départ plutôt agréables. Et puis progressivement, on voit qu'on glisse vers une indifférence, alors qui a encore quelque chose de l'ataraxie stoïcienne, hein, mais qui nous conduit peu à peu à la disparition du sujet lui-même. Il n'existe plus, tu n'existes plus. Alors certes, il est libéré de l'attente sociale, il est soustrait au regard des autres, mais ce dont il est aussi démis, c'est de la temporalité, de la durée. Il n'y a plus ni avenir ni passé. Donc plus la possibilité de se situer. Et lorsque Perec dit « tu n'existes plus », ce mouvement donc d'existence, hein, de projection vers l'extérieur, disparaît et sur le plan matériel, physique, on le comprend très bien, mais aussi, semble-t-il, sur le plan psychique, mental. Il n'y a plus de projection, de pensée, de réflexion, il n'y a plus qu'un mode d'être qui est réduit à minima. C'est presque ce dont parle Sartre par ailleurs, la tentation d'être une chose, hein, d'être débarrassé de cet effort de la conscience, de la réflexion, de la projection qui nous caractérise, ce qui fait qu'on est toujours différent de soi. Là, on est exactement soi, mais un soi qui est une mouche, une huître, une vache, un escargot, jusqu'au rat, comme s'il y avait ici une espèce de hiérarchie qui nous mène vers l'être minimal d'une certaine manière. Et donc il y a cette ambiguïté dans le texte, ou plus exactement ce mouvement qui part d'un certain plaisir à s'absenter du monde extérieur, jusqu'à une absence à soi. Alors, certes, ça a quelque chose d'agréable, se débarrasser de la pesanteur d'être, de la fatigue d'être soi, mais là, on est dans un processus de disparition, d'éréliction du sujet. Donc, c'est une liberté très, très ambivalente, puisqu'elle finit par être vaine, elle ne se manifeste plus, elle ne crée rien. Donc, on est dans un sujet qui s'efface progressivement dans cette situation. Ce qui nous donne l'occasion de reconsidérer ce qu'on entend quand on emploie l'expression de « être épargné ». On n'est pas malade, on est épargné par la maladie, certes, mais pas par les effets de ce qu'on appelle nous aujourd'hui le confinement, qui est en fait le fait de rester chez soi, seul pour certains, sans aucune perspective. C'est un mal tout aussi glaçant. Oui, on a des psychiatres qui évoquent notamment dans la situation des patients des EHPAD, le syndrome du glissement. C'est-à-dire que ce qui est le plus dévastateur, c'est d'être privé du contact avec les autres et on se laisse justement glisser doucement vers une espèce de mort, de dépérissement psychique. Les alertes des semaines passées des soignants touchaient aussi à cette question-là. Est-ce qu'on ne va pas mourir de cette solitude plus que du virus lui-même? Et jusqu'où tient le parallèle entre le malade et le confiné? Parce qu'en fait, dans les deux cas, il y a une forme d'expérience de dépossession de soi. Ça, c'est votre expression, hein, Claire Marin. Mais vous dites que le malade, finalement, il y a comme une crise identitaire, en tout cas, une brisure de l'identité qui fait qu'on est dépossédé de soi. L'expérience que décrit Georges Perec est identique. Oui, tout à fait. Alors qu'il ne s'agit pas d'un malade. Non, sauf à considérer qu'ici, on a une description de la dépression qui est... Oui, une maladie. Ce qui est assez probable. Oui, très vraisemblablement. Donc on retrouve quand même dans cet homme qui dort une figure de pathologie. Mais donc la situation du confiné n'est pas en elle-même identique à celle d'un malade. Non, elle n'est pas strictement... C'est pour ça que je mettais des précautions dans ce parallèle. Il y a des choses qu'on peut comprendre étant confiné de la situation du malade et que peut-être on ne comprenait pas aussi vivement tant qu'on n'expérimentait pas cette réduction des espaces et des possibilités. Mais bien sûr, il n'y a pas exactement les mêmes angoisses, parce que la certitude d'être malade et la possibilité ou la menace de l'être, c'est deux choses extrêmement différentes. Mais qui soulèvent des questions qui sont assez identiques. Je pense notamment, on a assisté sur l'isolement de ce narrateur, l'homme qui dort. Un homme seul chez lui, tout comme un malade, sont dans des situations finalement de grande dépendance. Ce qu'il expérimente ici est une illusion d'indépendance, car celle-ci a pour prix à payer eh bien, la dépression et peut-être le somnolement existentiel. Et cette question de la dépendance, on la lie beaucoup à l'aspect de la maladie, mais il me semble qu'on la retrouve aussi dans la question de la solitude et de l'isolement. Oui, tout à fait. On voit bien à quel point nos vies sont interdépendantes, à quel point on ne peut pas survivre sans tous ceux qui... assure cette espèce de filet de sécurité invisible qui font que je peux me nourrir, je peux être soignée, je peux être pris en charge si je suis vulnérable, etc. Donc on est en train de découvrir tous ces invisibles de la société et peut-être que ça aura des effets, on peut le souhaiter, je suis un peu sceptique, mais on se rend compte ceux grâce auxquels nous tenons. C'est-à-dire on peut avoir l'illusion d'être autonome, d'être indépendant. Là, on voit bien à quel point il suffit de pas grand-chose pour que cette illusion tombe. Enfin, pas grand-chose. Non pas que cette épidémie soit négligeable, mais en tout cas, on voit assez vite toutes ces dépendances. Par exemple, j'en reviens toujours à la même situation, mais les parents se rendent compte que sans école, c'est compliqué de travailler. Donc, on voit comment la structure de la société est faite d'interdépendance, soit sociale, professionnelle, soit en termes de soins, d'alimentation, etc. Et puis aussi en termes d'échange. On voit que on pense, on agit, on construit, on crée à plusieurs. On n'est jamais comme des atomes séparés les uns des autres. C'est ces interactions qui produisent, qui engendrent, qui innovent. Et l'interdépendance, on l'expérimente dans cette situation. Alors le malade, lui, particulièrement, sait à quel point ces dépendances-là sont vitales. Il sait qu'il a besoin d'un filet de sécurité avec un maillage très étroit pour continuer à vivre, entre guillemets, le plus normalement possible. Et là, on touche à d'autres problématiques, c'est-à-dire pour les malades aujourd'hui, les inquiétudes, c'est de C'est le fait que la continuité des soins n'est pas nécessairement assurée, que des traitements, des examens sont reportés, que certains médicaments puissent être en rupture du stock, du fait que certains vont se ruer sur des médicaments soi-disant salvateurs, etc. Donc le malade, lui, sait très concrètement ce que signifie la discontinuité du soin et sa dépendance vis-à-vis des soignants, des traitements, des médicaments et tout ce qui le maintient en vie ou dans une vie encore viable. On a commencé avec Quand-Guilhem Clairmarin. On va terminer cette discussion avec un dernier extrait. Il s'agit de Knock, de Jules Romain. Knock qui affirme « Toute personne bien portante est un malade qui s'ignore. » Vous me donnez un canton peuplé de quelques milliers d'individus neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit et je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artériosclèreux, ce qu'on voudra. Mais quelqu'un, bon Dieu, quelqu'un. Rien ne m'agace comme cet être ni chair ni poisson que vous appelez un homme bien portant. Début octobre, c'est la situation que vous me laissiez. Malades en traitement régulier à domicile, zéro. Oh. Fin octobre, 32. Fin novembre, 121. Fin décembre, notre chiffre se tiendra entre 245... et 250. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens. Et grâce à moi, un sens médical. Mais est-ce que dans votre méthode, oui, l'intérêt du malade, oui, n'est pas un peu subordonné à l'intérêt du médecin? Docteur Parpalais, vous oubliez qu'il y a un intérêt supérieur à ces deux-là. Lequel? Celui de la médecine. C'est le seul dont je me préoccupe. Le terrible médecin Knock, hein, qui effraie tout le monde parce que sa seule victoire, c'est de voir que les gens sont en effet malades et qu'ils reconnaissent leur maladie. Ce qui est incroyable, Claire Marin, c'est de voir qu'alors qu'aujourd'hui, les médecins sont célébrés comme des héros, quand on se tourne vers les textes qui précèdent notre époque, ceux-ci sont tellement décriés, que ce soit à l'époque de Montaigne dont on parlait hier, ici Knock, on parlera du malade imaginaire de Molière demain. Alors là, les médecins ont aussi une figure tellement catastrophique et ironique. Il y a vraiment une représentation du médecin qui a énormément évolué. Oui, c'est vrai que là, on a une figure du médecin héroïque, que d'ailleurs la plupart d'entre eux contestent, hein, qui a émergé ces dernières semaines. Et on a un texte de Quand-Guilhem qui dit justement que le type de héros qu'une société fait émerger est assez révélateur, en fait, de l'état de crise dans lequel une société se trouve. Alors, dans l'extrait de Knock, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une forme de cynisme médical qui est à l'opposé strict de ce qu'on voit aujourd'hui dans le dévouement jusqu'à l'épuisement auquel les soignants sont confrontés. Donc, du coup, cet extrait, il est presque un peu... je sais pas, il a quelque chose presque de complètement étranger, comme si cette représentation était strictement incompatible avec l'image qui s'est développée cette dernière semaine autour du dévouement et aussi de l'ingéniosité des médecins, parce que, enfin, des soignants en général. Ce qui est assez fou quand on entend les échos qui viennent directement des hôpitaux. Alors, bien sûr, c'est le traumatisme de certaines situations, la difficulté, l'épreuve psychique que ça constitue, mais aussi l'espèce d'enthousiasme à voir la manière dont les choses se réorganisent, se transforment, s'adaptent, l'ingéniosité, l'inventivité, la solidarité aussi entre les soignants, là où c'est quand même une médecine qui était très hiérarchisée. Et ça, c'est aussi très intéressant de voir comment ça se passe à l'hôpital quand on laisse les soignants faire, quand on arrête de les brider avec une logique économique, avec des lourdeurs administratives, quand ils réinventent eux-mêmes les conditions dans lesquelles ils soignent, on voit qu'ils réussissent à trouver une efficacité incroyable. Et ça aussi, je crois que pour l'avenir, ce sera un enjeu de garder, de maintenir une forme de liberté et d'autonomie des soignants dans l'organisation de l'hôpital et de se débarrasser de la logique administrative qui dominait jusqu'alors. Merci beaucoup d'avoir discuté avec nous ce matin autour de la philosophie et de la maladie. Je renvoie les auditeurs à vos nombreux textes. Violence de la vie, on le trouve chez Armand Collin. La maladie, catastrophe intime aux éditions PUF. Hors de moi aux éditions Alia. Et enfin, rupture aux éditions de l'Observatoire. Merci et à bientôt. Merci à vous. On se quitte avec un classique du genre « Je suis malade », c'est Dalida. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seul sans toi, je suis laide sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, jamais où, et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme à un rocher, comme à un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureuse quand ils sont là. Je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau, je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de confinement. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, j'ai beaucoup critiqué l'effet de répétition que produisaient ces journées confinées, et tous ces éloges qui en font la condition pour devenir soi ou faire la différence. Quelques jours plus tard, je suis pourtant obligée de me rendre à l'évidence, certaines répétitions ont du bon. Lesquelles et pourquoi ? Depuis le début du confinement, je n'ai pas découvert de nouvelles choses. Je n'ai pas lu de nouveaux livres, je n'ai pas regardé de nouveaux films ou de nouvelles séries. À l'inverse de pas mal de monde, je n'ai pas profité de cette période inédite pour accomplir des choses inédites. Au contraire, j'ai plutôt fait ce que je faisais déjà avant, c'est-à-dire travailler, m'occuper de ma fille, ranger et nettoyer la maison, mais aussi lire et regarder ce que j'avais déjà lu et regardé. Alors que sur Netflix, tout le monde me parlait du nouveau truc à voir, Tiger King, eh bien moi, j'ai préféré revoir la série Mad Men. J'ai fait ce choix, j'avoue, un peu par défaut. Car après avoir passé 20 minutes à éplucher les nouveautés et à éprouver, sans même les avoir vues, un sentiment de lassitude, seule la perspective de revoir une série déjà vue n'a bizarrement pas provoqué en moi ce sentiment-là. Quel paradoxe! Alors même que la nouveauté me lasse d'avance, revoir une série déjà vue, eh bien pas du tout. Et apparemment, je ne suis pas la seule, puisque le phénomène a été remarqué, les plateformes de streaming et de téléchargement ont relevé pendant ce confinement une attention plus soutenue aux chansons et aux films du passé qu'aux nouveautés. Comment comprendre ça? Comment comprendre que certaines répétitions lassent moins que la nouveauté, voire ne lassent pas du tout, mais fassent du bien? La question va peut-être vous faire rire, sa tournure en tout cas, mais elle se pose. Qu'est-ce qui peut bien faire la différence entre une bonne et une mauvaise répétition? Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Je l'attendais celle-là. Non, mais le mauvais chasseur, bon, bah, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur? Le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... Bah, c'est pour la même chose, quoi. Bon, c'est le bon chasseur. Qu'est-ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise répétition? La réponse paraît beaucoup plus claire ici. De fait, entre faire et refaire tous les jours, toutes les heures, la vaisselle, des lessives, bref, des corvées ménagères qui s'imposent à nous, que l'on ne choisit pas, et revoir délibérément une série que l'on a adorée, la différence est frappante. D'un côté, une activité imposée et potentiellement ingrate, et de l'autre, du bon temps, allongé sur son canapé, choisi en son âme et conscience et par plaisir. La réponse semble donc tomber sous le sens. Mais on pourrait objecter à ça que certains trouvent beaucoup plus délassant, par exemple, de repasser que de regarder une série déjà vue et pourtant aimée il y a quelques années. Ce n'est donc pas qu'une question de choix ou qu'une question de type d'occupation, activité ou loisir. Pourquoi certaines répétitions délassent quand d'autres nous crispent? Et pan, et pif, et paf, et pouf, quand c'est fini, ça recommence. On tourne en rond dans l'existence, l'amour, la danse et l'espérance, ça recommence toujours. Il y a, je crois, plusieurs réponses. Le fait d'abord qu'en terrain connu, familier, amical, on ait envie de revivre un bon moment. Telle scène de telle série, tel sentiment de travail accompli ou que sais-je. Il y a aussi le fait que la répétition, connue, intériorisée, faite réflexe, débarrasse de toute tension, de toute attention trop prenante. Il y a aussi le fait, enfin et par suite, que l'on puisse ainsi même oublier le moment que l'on vit, s'oublier soi. Bizarrement, c'est comme si la répétition, pourtant connue, pourtant faite et refaite, martelée, était cependant source d'oubli. Oubli de la peine, de l'effort, de soi, du monde. Loin des éloges de la répétition qui en font la condition du choix, d'une reprise de soi ou de l'événement, et si le réconfort de la répétition était donc là, dans cette absence de choix, de soi et d'événement. Quand c'est fini, ça recommence. Au fond, je crois que la répétition, la bonne, permet de penser sans penser. On pourrait voir là la définition de la bêtise, mais je crois que là est en fait la solution. Là est la différence de la répétition. La nouveauté exige de l'attention. La répétition, bête et méchante, nous rappelle à chaque instant que l'on fait la même chose, nous y fait penser. La reprise, elle, nous focalise sur nous, sur un but. Et au-delà de tout ça, eh bien, il y a la bonne répétition, celle où on a la possibilité d'être là sans être là, de s'absenter en restant là sans se perdre ni s'imposer. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à l'équipe de Chemin de la Philosophie dont l'aide est toujours indispensable et m'a été plus que précieuse en ces temps de confinement. Isis Jourda aujourd'hui avec Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui a réalisé cette émission, la prise de son Swad Boukorsa. Merci au CDM aussi, hein, au Centre de Distribution des Modulations de Radio France qui a assuré cette liaison. Merci à mes voisins grâce à qui cette émission n'a pas été interrompue par des bruits de voisinage. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série sur la maladie, les philosophes face à la maladie. Demain, on ira sur scène aux côtés de Molière. On parlera du malade imaginaire en compagnie de Patrick Dandré. D'ici là, sachez que vous pouvez, comme toujours, peut-être plus que jamais même, télécharger cette émission pour l'écouter au moment de la journée que vous choisirez et que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. À demain, 10h, on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.